إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au point où le cheikh il entre dans l'explication de tafsir ayat al-fatiha. Donc là il va expliquer en détail l'explication de sourate al-fatiha. Le cheikh dit قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه يحمد بمعنى يثنى عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que la parole, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, il dit que Alhamd, ça signifie de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie de le glorifier par ses noms et ses attributs et ses actions. Et lorsque tu veux glorifier quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu mentionnes ses qualités, tu mentionnes ses faveurs, ses bontés, les choses qu'il a fait de bien pour toi. Donc ça c'est le fait de glorifier quelqu'un. Et donc quand tu mentionnes ses noms et ses attributs et ses actions de gloire et de majesté, donc automatiquement c'est une forme de glorification. Et le cheikh il dit « Walhamdu a'ammu min ash-shukri li'anna ash-shukra la yakunu illa 'ala al-af'al » أما الحمد فيكون على الأسماء والصفات وعلى الأفعال والحمد أعم من الشكر وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. Donc le cheikh il dit que الحمد c'est plus général que الشكر, la glorification c'est plus général que le remerciement, parce que le remerciement il est uniquement avec les actions, c'est-à-dire ça, on remercie quelqu'un uniquement pour qu'est-ce qu'il fait, tandis que la glorification, c'est pour ses noms et ses attributs et ses qualités, et également pour ses actions. Donc, la glorification est plus générale que le remerciement. Et d'un autre point de vue, il y a une autre différence entre al-shukr et al-hamd, c'est que al-shukr, on peut le faire avec les, on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala par avec notre bouche en le remerciant avec notre parole, et on peut également remercier Allah subhanahu wa ta'ala par nos actes d'adoration, tandis que Alhamd c'est uniquement avec la bouche, en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala par la parole. Donc d'un autre point de vue, Ash-Shukr est plus général que Alhamd. D'un certain point de vue, comme le cheikh a expliqué, Alhamd est plus général que Ash-Shukr, et d'un autre point de vue, Ash-Shukr est plus général que Alhamd. Et le cheikh dit que ça c'est la différence entre Alhamd et Ash-Shukr. Après il dit Al-Alif wa Al-Lam dans Alhamdulillah, là, quand on dit Alhamd, c'est-à-dire comme on dit L'apostrophe, ou bien L-A, la glorification, c'est-à-dire quand tu dis Alhamdulillah, c'est pour dire que ça comprend toutes les formes de glorification. Il n'y a pas une forme de glorification en particulier par rapport à d'autres. C'est pour ça que le cheikh il dit Al-Alif wa Al-Lam fi qawlihi Alhamdulillah lil-istighraq ay jami'ul mahamid lillahi subhanahu wa ta'ala malikan ملكا واستحقاقا, c'est-à-dire que toutes les glorifications et tout, dans toutes ses formes, dans toutes leurs formes, appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Elles lui appartiennent parce que c'est à lui, et elles lui appartiennent parce qu'il les mérite. Istihqaqan. Et le cheikh dit, فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحَمْدُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِلَّا اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Personne ne mérite la, la glorification d'une façon indéfini et total, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه هو المنعم ذو الإنعام المطلق. فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى. ففي قوله الحمد لله أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que toute la glorification, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui la mérite totalement, et complètement et absolument, de façon absolue. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui la mérite de cette façon. Car c'est lui qui nous donne toutes les bontés et toutes les grâces, et sa grâce, eh ben, elle est absolue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite la glorification absolue, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah. Après il dit Amma al-makhluq فَإِنَّهُ يُحْمَدُ عَلَى قَدْرِ مَا يَجْرِ مِنْهُ مِنَ الْخَيْرِ. Hein, en ce qui concerne la créature, lorsque tu glorifies une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu la glorifies par rapport à ce qui correspond au bien qui vient de cette personne ou de cette créature. Le cheikh il dit par contre, وَلَكِنْ Allah subhanahu wa ta'ala هُوَ الَّذِي جَعَلَ فِيهِ الْخَيْرِ فَأَصْلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc ça veut dire que lorsque tu glorifies une personne pour le bien qu'elle fait, eh ben c'est en réalité Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ce bien dans cette personne ou dans cette créature. Donc en réalité la base de la glorification revient à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même le bien qui est venu dans cette personne, de cette personne-là, elle ne vient pas absolument de cette personne-là, mais elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute la gloire et la louange revient de toute façon à Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit wa qawluhu rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin, il dit ar-rabb huwa al-murabbi li khalqihi subhanahu wa ta'ala bi ni'amihi wa huwa al-malik lahum far-rabb yutlaq wa yurad bihi al-murabbi wa yutlaq wa yurad bihi al-mal al-malik والله هو مالك مالك جميع الخلق ويطلق ويراد به المصلح والله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح أحوال عباده أو أحوال عباده ويتولاهم. Donc le cheikh il dit que رب العالمين, quand on dit le Seigneur des mondes, الرب, comme on traduit en français comme étant le Seigneur, eh bien c'est lui qui fait croître sa créature, c'est lui qui l'a créée, et c'est lui qui lui donne sa subsistance, et qui lui donne ses bontés et ses miséricordes, c'est lui qui est le possesseur, c'est lui qui possède tout, hein, qui possède tout ce qui est dans l'univers, tout est en sa possession. Et Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala, il peut être utilisé également dans ce sens, dans ce sens-là, et dans le sens de celui qui possède. Donc Al-Murabbi, celui qui fait changer, qui fait évoluer les choses, qui nourrit les choses, qui les fait évoluer, qui les crée, qui les transforme, qui les change, qui les forme, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède tout ce qui est de la créature. Et on peut également utiliser le terme Ar-Rabb pour dire celui qui corrige, qui améliore l'état de ses serviteurs et qui arrange leurs affaires et qui s'occupe de tous leurs besoins. Donc dans ce sens-là, on peut dire que c'est dans ce sens-là qu'on dit Ar-Rabb. Et le cheikh dit par la suite, وَلَا يُطْلَقُ لَفْظُ الرَّبِّ إِلَّا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. On ne peut pas utiliser le terme Rabb de façon absolue, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. أَمَّا إِطْلَاقُهُ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَيَّدْ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ فَيُقَالُ رَبُّ الدَّارِ وَرَبُّ الْإِبِلِ أي صَاحِبُهَا وَمَالِكُهَا. Donc en ce qui concerne le fait d'utiliser le terme Rabb de façon absolue pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas permis. Hein? On doit uniquement utiliser le terme Rabb de façon absolue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on doit l'utiliser pour autre que Allah, il faut absolument l'utiliser en l'associant avec quelque chose qui le définit et qui le limite. Comme par exemple lorsqu'on dit Rabbud Dar, hein, c'est-à-dire celui qui possède la maison, ou le propriétaire de la maison, Rabbud Dar, ou Rabbul Ibil, hein, le propriétaire du chameau, hein, ou le yani. Dans ce sens-là, on peut comprendre que c'est un sens limité et c'est pas de façon, on l'utilise pas de façon absolue. Ou bien des fois on dit en arabe également Rabbul Usra, hein, c'est-à-dire le chef de la famille. On utilise ce terme, donc c'est permis de l'utiliser dans ce sens-là si on l'utilise de façon limitée et de façon à l'associer à une chose particulière entre les créatures, mais de façon absolue, c'est uniquement pour Allah. Et le cheikh dit « Amma idha utliqa rabb ou rabbul alamin fa innahu khassun billahi subhanahu wa ta'ala la yajuzu wasfu ghayrihi bihi » En ce qui concerne lorsqu'on utilise le terme « rabb » Ar-Rabb de façon absolue, ou bien Rabbul Alamin, le maître, le Seigneur des mondes, et bien dans ce cas-là, c'est uniquement et spécifiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis de qualifier personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala par cette appellation, par cette qualificatif. Yani. Après le Cheikh dit Wal Alamin, jam'u alam, wa huwa kullu ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Alamin, les mondes, lorsqu'on dit les mondes, ou les univers, ben ça c'est le pluriel de alam. Et le chef il dit que c'est toute chose qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose autre que Allah et sa créature, d'accord. Et il dit wal awalim fil kawn kathira la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. La quantité des mondes qui existent, eh ben elles sont très nombreuses et personne ne les connaît et connaît leur quantité ou le nombre de mondes qui existent excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha alimul ins wa alimul jinn wa alimul malaika wa alimul jamadat wa alimul hayawanat wa kullu ajnasil khalq yuqalu laha awalim. Donc le cheikh il dit que il y a par exemple le monde des hommes, des êtres humains, il y a le monde des djinns, il y a le monde des anges, il y a le monde des créatures inertes, hein, al-jamadat, il y a le monde des animaux, et chaque catégorie de créatures, et chaque sorte de créature, eh ben on peut le qualifier comme étant un monde, parmi les différents mondes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et il y a des mondes qu'on peut voir avec les yeux, hein, qu'on peut distinguer avec les yeux, il y a d'autres mondes qui sont tellement petits qu'on peut pas les voir avec les yeux. Hein. Et dernièrement, avec les microscopes et tout ça, on a réussi à voir des mondes qui existaient, dont on n'imaginait même pas l'existence il y a quelque temps. Donc, ça veut dire que il y a toujours des secrets et des mystères à découvrir dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh il dit. Donc ربها هو الله جل وعلا لا أحد يخرج من ربوبيته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que tous ces mondes là, peu importe lequel de ces mondes là, eh ben ils sont tous sous le pouvoir de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne peuvent pas en sortir, hein? Contrairement à des gens qui pensent que par exemple il y a des êtres qui existent quelque part, comme ils les appellent, des extraterrestres, et que ces êtres-là, eh ben, ils sont en dehors des mondes que Allah a créés, hein? Parce qu'on a souvent des gens comme ça ici, là, au Canada ou bien ailleurs, sûrement il y en a chez vous aussi, en France, qui croient qu'il y a des extraterrestres qui ont créé le monde ou je sais pas quoi. Alors dans ce cas-là, eh ben, on peut leur répondre que même ces extraterrestres-là, s'ils existent, hein, Allahu a'lam, eh ben ils sont également des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont également des créatures et donc ils n'ont rien créé. Après, le cheikh il dit, wa qawluhu ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Wa arafna tafsirahuma fi sharh al-basmala. Donc, quand on dit ar-Rahman ar-Rahim dans surat al-Fatiha, eh ben, le cheikh il l'explique pas encore une fois parce qu'il a dit qu'on l'a déjà expliqué lorsqu'on a expliqué la définition du Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au tout début. Donc, on va continuer avec le prochain verset, Maliki Yawm al-Din. Le Cheikh dit, قوله تعالى, Maliki Yawm al-Din, في قراءة Maliki بالألف, وفي قراءة Maliki. وكلا القراءتين صحيح, فهو سبحانه مالك وملك. Donc le cheikh il explique que dans le verset Maliki Yawm al-Din, le roi du jour de la rétribution, ou bien le maître du jour de la rétribution, le cheikh il dit que dans une certaine récitation, dans une certaine lecture, on dit Malik avec un alif. Et dans ce sens-là, ça veut dire celui qui possède le maître. Hein? Tandis que dans une autre récitation, on le prononce sans le alif. On dit Maliki Yawm al-Din. Et il dit que les deux lectures et les deux récitations sont correctes. Hein? Donc, il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Malik et Al-Malik, les deux ensemble. C'est-à-dire, Al-Malik, sans le alif, ça veut dire le roi. Et également, dans ce sens-là, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le roi des rois. Hein? Et Al-Malik, c'est le maître. Donc, les deux sens sont corrects et acceptables. Le cheikh, il dit par la suite, Yawm al-Din, dans ce verset-là, Maliki Yawm al-Din, Yawm al-Din, ça veut, il dit, Al-Muradu bid-Din huna, Al-Hisab wal-Jaza. Qala ta'ala, Kalla bal tukazibuna bid-Din. Kalla bal tukazibuna bid-Din, ay Al-Hisab wal-Jaza. Il dit que Ad-Din, dans ce verset-là, ça signifie le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous rendre, ou va prendre, va faire les comptes de nos œuvres et de nos actions, etc. Il va nous récompenser ou va nous punir. Donc on appelle ça Ad-Din, c'est-à-dire la rétribution et le jugement. Et il dit par la suite, le cheikh il dit قَالَ تَعَالَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Dans un autre verset, c'est dans Surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu celui qui démentit ou qui traite de mensonge le jour de la rétribution ou le jour du jugement, hein? Eh bien, il dit que ça signifie, yani, yukazibu biljaza'i walhisabi walba'afi walnushur. C'est-à-dire, celui qui traite de mensonge, la récompense, le jugement, la résurrection et le fait qu'on sera tous ressuscités et rassemblés. Donc ça c'est un exemple d'une utilisation du mot Ad-Din. Et le cheikh il dit aussi وَقَالَ تَعَالَى فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أي بِالْحِسَابِ وَالْمُجَزَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَوْمِ الدِّينِ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سُمِّيَ بِيَوْمِ الدِّينِ أو سُمِّيَ يَوْمَ الدِّينِ لِأَنَّهُ يَوْمُ الْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un autre verset dans Surah At-Tin, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ, pourquoi il continue à renier et à traiter de mensonges après le jour de la résurrection, eh bien, il dit que c'est le jour de la récompense ou de la punition, ou c'est le jour du jugement dernier, Al-Qiyama. Et donc on l'appelle Yawm al-Din parce que c'est un jour où les gens seront jugés et ils seront rétribués selon ce qu'ils ont fait dans cette dunya. Et le cheikh il dit لِمَاذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَعَنَّهُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَغَيْرِهِ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié qu'il est le maître de ce jour-là en particulier, alors qu'il est en réalité le maître de tous les jours en dehors de ce jour? Le cheikh il dit خُصُّ يَوْمُ الدِّينِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ ملك لأنه لا ملك في ذلك اليوم إلا لله سبحانه وتعالى كما قال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Donc le cheikh il dit qu'il a spécifié ou il a rendu ce jour-là spécifique en le mentionnant de cette façon-là parce que ce jour-là il n'y aura pas personne d'autre qui aura une possession ou qui sera maître de quoi que ce soit à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné l'exemple dans le verset dans Surat Ghafir, à qui appartient le royaume aujourd'hui? Et bien c'est à Allah subhanahu wa ta'ala, le 1 et Al-Qahhar. Naam. Donc, Al-Wahid, Al-Qahhar. Al-Qahhar, celui qui a le pouvoir sur tout. Et donc, ce jour-là, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala aura le pouvoir sur toutes les créatures. Tandis que dans cette vie, dans ce monde, il y a des gens qui se prétendent ou qui sont des rois et qui possèdent un pouvoir sur la terre. Et ce jour-là, par contre, c'est différent parce que tout le monde parmi les êtres humains seront tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'aura un pouvoir ou ne possédera quoi que ce soit parmi les êtres humains. Donc il n'y aura plus de roi et seulement Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là sera le roi et le maître de toutes choses. D'accord? Donc c'est pour ça que ce jour-là il l'a mentionné de façon spécifique pour que les êtres humains sachent que peu importe si une personne est un roi ou a un pouvoir sur la terre, eh bien, au jugement dernier, il va perdre cette autorité-là, il va perdre ce pouvoir et il sera obligé d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et à venir avec ce qu'il a amené d'action et de parole, etc., et de foi pour être jugé. Donc, tout le monde doit, peu importe son statut ou son niveau, faire des efforts pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer comme il nous l'a demandé. Et le cheikh il dit fal muluku wa afradun nas sawa'un fi hadha al-yawm laysa li ahadin mulkun illa Allah jalla wa ala falidhalika khassahu bihi fi qawlihi malik yawm al-din. Donc c'est exactement ce que le cheikh a expliqué, que ce jour-là tous les hommes seront égaux, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il est le maître de ce jour-là. وإن كان مالكا لغيره سبحانه وتعالى même s'il a le pouvoir sur d'autres, sur tous les autres jours. لزوال ملك غيره فيه, parce que ce jour-là personne n'aura plus rien de possession. Et dans un hadith, un hadith qudsi, c'est rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala il va dire أنا الملك أين المتكبرون أين الجبارون. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim et dans Al-Bukhari également. Et là les gens, le hadith dit que Allah subhanahu wa ta'ala va dire ce jour-là je suis le roi, où sont les orgueilleux, où sont les gens qui étaient fiers, et etc. Donc ce jour-là il n'y aura plus personne qui pourra prétendre à quoi que ce soit de la royauté ou du pouvoir ou de l'orgueil ou de la fierté ce jour-là, car tous seront sous le jugement et sous le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'auront aucune possession. Tout le monde sera égaux. Et il dit encore une fois هَذَا كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Comme c'est écrit dans le verset, à qui appartiendra le royaume ce jour-là ou bien aujourd'hui, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique et le tout-puissant, celui qui a le pouvoir, qui a le dessus, qui domine tout. Après, il dit le cheikh, وَيَتَسَاوَ فِي هَذَا الْيَوْمِ جَمِيعُ النَّاسِ مُلُوكُهُمْ وَعَبِيدُهُمْ فُقَرَاؤُهُمْ وَأَغْنِيَاؤُهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ لَا أَحَدٌ يَتَمَيَّزُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Ce jour-là, tout le monde va être par égal. Ce jour-là, tout le monde sera égaux. Les rois, les esclaves, les pauvres, les riches, les nobles. Il n'y a personne qui va se distinguer d'un autre. Tout le monde sera nu, et tout le monde sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun signe de distinction. Et la seule chose qui va distinguer entre une personne et une autre, ce sera les bonnes œuvres qu'elle a accomplies quand elle était dans la dunya. Après, le Cheikh dit قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons l'aide et le support, le Cheikh il dit إياك نعبد أي نخصك بالعبادة وقدم إياك للدلالة على الاختصاص وأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il dit que premièrement, Iyaka na'budu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on rend notre adoration exclusivement pour toi, ô Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a précédé Iyaka dans ce verset-là. Et Iyaka, c'est-à-dire c'est uniquement toi, c'est toi que nous adorons. Et il a fait précéder ça pour que ce soit exclusivement, ça ait le sens de l'exclusivité, c'est-à-dire pour que ce soit spécifiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala que toute l'adoration soit, et que pour faire comprendre que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration et personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il aurait pu dire na'buduka wa nasta'inu bika, et ça voudrait dire nous t'adorons et nous te demandons le support ou l'aide. Sauf que ça n'aurait pas eu le même impact et le même sens dans cette forme-là, parce que ça pourrait vouloir dire également on t'adore toi et on adore d'autres également. Na'abuduka, quand tu le dis de cette façon-là, ça n'a pas le même sens d'exclusivité. Tandis que quand tu fais précéder en disant c'est toi que nous adorons, hein, comme si tu dis c'est toi que nous adorons, ça fait donner le sens que c'est uniquement toi, ô Allah, que nous adorons. C'est différent quand tu dis c'est toi que nous adorons et quand tu dis nous t'adorons. Hein? Il y a un sens de distinction entre les deux, et c'est ça que le chef explique. Il dit وهذا من باب الحصر لأن التقديم المعمول على العامل يفيد الحصر أي فلا يستحق العبادة إلا أنت. Quand tu fais précéder, la parole, quand tu dis par exemple إياك نعبد, tu mets le je sais pas si c'est, tu dis l'adjectif avant le verbe, c'est pas l'adjectif, c'est le pronom, quand tu le fais précéder avant le verbe, ça donne le sens de l'exclusivité, al-hasr. Ça limite, ça délimite, ça vient limiter l'expression. Et donc, ça veut dire, ça donne le sens que uniquement Allah mérite l'adoration. Et il dit, iyyaka nasta'in, ay natlubu al-i'ana. Et quand vous voyez un verbe en arabe qui est donné sous la forme de istif'al, hein, istif'al, ça c'est une des formes dans lesquelles on utilise les verbes. Dans les verbes en arabe, si vous avez déjà étudié l'arabe et si vous continuez à l'étudier, inshallah, vous avez appris ou bien vous allez l'apprendre que il y a différentes formes de verbes qu'on utilise. Une de ces formes-là, c'est istif'al. Et quand on utilise le verbe sous la forme istif'al, ça implique que tu demandes quelque chose ou que tu cherches quelque chose. Donc dans ce verbe là nasta'in, c'est sous la forme de isti'ana, istif'al. C'est la base de l'istif'al. Donc ça a l'implication ou ça a le sens de dire nous cherchons l'aide et le support, nous demandons l'aide et le support. C'est ça que le chef explique. Il dit ay natlubul i'ana. والاستعانة نوع من العبادة فلماذا أفردها مع أنها داخلة في قوله إياك نعبد. Donc le cheikh il dit que الاستعانة dans ce verset là, dans l'autre partie de إياك نعبد و إياك نستعين, ben ça c'est الاستعانة et c'est une forme d'adoration. Donc le cheikh il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné toute seule après avoir mentionné l'adoration, alors qu'elle fait partie elle aussi de l'adoration. Quand on dit iyyaka na'bud, ça implique et ça inclut également al-isti'ana. Donc pourquoi le mentionner tout seul et le spécifier? Le cheikh dit qalu hadha min bab 'atf al-khass 'ala al-'am wa dhalika li'anna al-'ibada haqqun lillahi jalla wa 'ala wal-isti'ana haqqun lil-makhluq idh huwa alladhi yasta'inu billah jalla wa 'ala wa yatlubu minhu hawa'ijahu. Le chef il dit que ça c'est pour mettre, c'est dans le sens que c'est pour mentionner quelque chose de plus spécifique par rapport à ce qui était plus général. Al-ibada c'est général parce que ça implique toutes les formes d'adoration, tandis que al-isti'ana c'est plus spécifique, c'est une catégorie d'adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans ce sens là pour montrer quelque chose de plus spécifique, et dans le sens également que al-ibada c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a ce droit là, c'est-à-dire d'être adoré, tandis que al-isti'ana c'est le droit de la créature, c'est-à-dire que ça concerne la créature, c'est la créature qui demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui remplit ses besoins et qui répond à ses besoins. Donc dans ce sens-là, on demande tous nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce serait dans ce sens-là que Allah subhanahu wa ta'ala aurait mentionné al-isti'ana après avoir mentionné al-ibada, pour donner ce sens de yani, spécificité, puis pour montrer qu'il y a une partie qui est pour le serviteur et une partie pour le créateur. Et comme on va voir plus tard, comme dans le hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a divisé cette salat ou cette surah en deux, une partie pour lui et une partie pour son serviteur, et on va le voir tout à l'heure inshallah. Après, le cheikh dit karara iyyaka wa lam yaqul iyyaka na'budu wa nasta'in li ta'kid al-ikhtisas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a répété deux fois iyyaka, alors qu'il aurait pu dire iyyaka na'budu wa nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et à qui nous demandons de l'aide, sans répéter c'est à toi, iyyaka. Et il dit que ça, c'est pour renforcer et reconfirmer la spécificité ou l'exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son droit à l'adoration. Wa annahu la yastahiqu al-ibada wa la yastahiqu al-isti'ana ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala. Pour mentionner et pour expliquer encore une fois que personne ne mérite l'adoration et personne ne mérite qu'on lui demande l'aide excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'isti'ana, lorsqu'on dit de demander de l'aide, certains parmi les mubtadi'a et parmi ceux qui ont été égarés dans le shirk, parmi ceux qui prétendent faire partie de cette umma, ils essaient de faire une shubha en utilisant le terme par exemple al-isti'ana, et ils essaient de dire ah, le wahhabi, il déclare tout le monde qui demande de l'aide à quelqu'un comme étant des mushrikines et des kuffars. Donc ils disent par exemple, si tu demandes de l'aide à quelqu'un dans la rue, tu lui dis viens m'aider, alors là tu es un mushrik. Ils essaient de chercher à donner des shubhat de cette sorte pour essayer de tromper les gens, pour leur faire croire des choses absurdes qui sont même pas en accord avec ce que les ulama ont expliqué. Donc la réalité, c'est que quand on dit al-isti'ana, on demande l'aide, c'est on demande l'aide uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est dans les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner et peut aider, dans lesquelles seul lui peut aider. Tandis que si c'est des choses qui concernent des choses qui sont possibles, comme quand tu demandes de l'aide à un être humain qui est dans la rue, on va dire que t'es en danger, t'as un problème, il y a une personne qui veut t'attaquer ou qui veut te faire du mal, et que tu vois une personne, qu'il soit musulman ou non, l'autre côté de la rue, qui est à proximité et qui est capable de te venir en aide, alors là tu l'appelles et tu lui dis au secours, viens m'aider, il y a quelqu'un qui veut me tuer ou qui veut m'attaquer, et bien ça c'est pas une forme de shirk, c'est parce que c'est la personne, elle est là, elle est à proximité, elle t'entend, elle te voit, elle est capable de te venir en aide. Tandis que si tu es en danger et que tu as un problème et que tu demandes à un wali qui est décédé et qui est dans sa tombe de te venir en aide et de te donner la victoire ou le support, ou que tu demandes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que tu es dans une bataille, dans un combat ou je sais pas, quelque chose de ce genre, et que tu cries Ya Rasulallah, et tu lui demandes l'aide, alors qu'il est enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est mort déjà depuis plus de 1400 ans, alors là, ça c'est pas permis de faire ça, et ça rentre dans le shirk, parce que tu demandes à une personne qui est morte et qui n'est pas présente. Et également, de demander à un être humain qui peut pas t'entendre à une distance normale, tu lui demandes de t'aider ou des choses de ce genre, ou bien tu crois que une personne a une connaissance du raid et tu lui demandes de l'aide, comme certains soufis ont cette croyance vis-à-vis de leur chouyour, ou bien certains des chiites qui invoquent leurs imams qui leur demandent de l'aide. Ou bien, par exemple, tu demandes à quelqu'un quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner. Personne en dehors de lui peut le donner. Comme par exemple, de t'aider à l'adoration dans le sens que tu lui demandes de te donner la foi, ou de te donner le paradis, ou de te guider au droit chemin, ou tu lui demandes yani, de te pardonner, des choses de ce genre. Ça rentre dans le shirk également, parce que c'est des choses que uniquement Allah subhanahu wa ta'ala peut donner. Donc il faut voir la différence entre yani, ces choses-là pour distinguer entre ce qui est shirk et ce qui n'est pas shirk. Hein? Et eux, ces gens-là, ils essaient de faire une shubha de cette façon-là pour essayer de faire croire que peu importe qui tu demandes et à qui tu demandes, que ce soit un vivant ou que ce soit un mort, il n'y a pas de différence. Yani, tout est pareil, tu as le droit de leur demander de l'aide même si c'est un mort, et même si tu demandes, peu importe qu'est-ce que tu demandes, c'est permis. D'accord, donc subhanallah, Allah musta'an, ça c'est un exemple de l'égarement de ces gens-là. Donc dans ce sens-là, il faut bien comprendre que al-isti'ana pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de ces droits et ça rentre dans l'adoration dans ce sens-là. Tandis que si c'est pour demander l'aide à quelqu'un qui est proche de toi et qui peut réellement t'aider, ça c'est permis. Ou quelqu'un qui demanderait à un idole par exemple de l'aider, ou à une statue, ou des choses de ce genre, ou à une croix, comme les chrétiens qui portent une croix dans son cou, qui pensent que cette croix peut l'aider. Ça, c'est des exemples de shirk également. Ensuite, le shirk, il dit, وَكُلُّ الدِّينِ يَدُورُ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالْاسْتِعَانَةِ وَعَلَى هَتَيْنِ اللَّفَّتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ. Toute la religion tourne autour de l'adoration et la demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en ces deux mots-là, qui sont des grands mots et des grands termes, lorsqu'on les utilise, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Iyyaka na'budu, hein, il nous a demandé de dire Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et en passant, il y a le cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, l'élève de Ibn Taymiyyah, qui a écrit un livre qui s'appelle Madarij al-Salikin. Et dans ce livre-là, il a fait l'explication de ce verset. Et il est édité, il est publié en 3 volumes. Et donc, il a écrit 3 volumes pour expliquer, seulement expliquer ces deux versets-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et pour expliquer que c'est en réalité, ce verset-là résume la religion en entier. Donc, si un jour vous avez la chance, inshallah, essayez de vous procurer, de lire ce livre, hein, parce que c'est très bénéfique. Ensuite, le cheikh dit, wa qawluhu ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim. Hadha du'a. Le cheikh dit, lorsqu'on dit, guide-nous sur le droit chemin, il dit, ça c'est un du'a. Wa huwa du'a ou mas'ala. Et ça, c'est un dua dans lequel on fait une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي سَبَقَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ هُوَ قَوْلُهُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دُعَا وَعِبَادَةِ. Qu'est-ce qu'on a dit au début de la surah? Quand on a dit par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah le Seigneur des mondes, ça c'est un dua d'adoration, une invocation d'adoration. لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين. Il y a 2 formes d'invocation dans l'islam. Le premier c'est دعاء عبادة وهو الثناء على الله. والثناء على الله دعاء وهو دعاء عبادة. Donc il y a la première catégorie de دعاء, ou la première forme de دعاء, c'est-à-dire l'invocation ou دعاء العبادة, c'est-à-dire l'invocation qui a pour sens yani de l'adoration, le sens de l'adoration. C'est-à-dire que tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala, tu mentionnes ses bonnes qualités et ses noms et ses attributs et ses bonnes actions. Donc ça c'est une forme de dua. Et il y a une autre forme de dua qui est dua ou mas'ala. C'est-à-dire une invocation qui implique une demande, que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Donc il dit, وَمِنْهُ قَوْلُهُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ. Et c'est comme lorsque tu dis, guide-nous au droit chemin. Hein? Ça c'est jusqu'à la fin de la sourate, ça fait partie de du'a al-mas'ala, le du'a de la demande. Et après, le cheikh il dit ihdina al-hidayah hiya al-diyala wal-irshad, ay dullana wa arshidna. Donc quand tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala ihdina, ça vient de al-hidayah, ça vient de la guidance, hein. Et al-hidayah, qu'est-ce que c'est? Le cheikh il dit que c'est ad-dilala wal-irshad. Ad-dilala, c'est-à-dire de montrer les signes et les preuves, de montrer yani le chemin. Et al-irshad, c'est l'orientation, de montrer à quelqu'un la bonne direction. Hein, quand quelqu'un te demande sur la route, est-ce que vous pouvez me dire par quel chemin je dois aller pour aller à tel endroit? Et toi tu lui montres, tu lui dis tu dois aller tout droit, puis ensuite tu dois tourner à gauche et à droite. Ça s'appelle irshad. Tu indiques à quelqu'un la bonne direction. Donc c'est ça al-hidayah. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes de te donner les bonnes directions et de te montrer et de t'orienter vers la droiture et vers le droit chemin. Donc c'est ce que ça signifie. Lorsque tu dis ihdina, c'est comme si tu lui dis oriente-nous, guide-nous, montre-nous les droits chemins, montre-nous les preuves et la clarté et la vérité. Et le cheikh il dit que al-hidaya arba'atu aqsam walakin ahammaha qisman. La guidance, elle est divisée en quatre catégories. Par contre, les deux plus importantes catégories sont, il y en a deux qui sont plus importantes. Et il dit que la première, il dit al-qism al-awwal, hidayat al-dilala wal-irshad. Wa hadhihi amma min jihatayn. Min haythu al-huda, فهي تحصل للمؤمن والكافر والله قد هدى الكافر بمعنى أنه دله وأرشده وبين له الطريق الحق وقال تعالى وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى أي أرشدناهم وهي أيضا عامة من جهة الهادي والمرشد فيدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وإنكَ لتهدينا صراط المستقيم. Donc le cheikh il dit que la première forme de guidance, la première forme de hidayah, c'est la guidance dans le but de montrer et d'orienter. Et donc cette forme de guidance là, elle est plus générale sur deux points de vue. Le premier point de vue, elle est plus générale du sens que elle peut être faite même aux croyants et aux non-croyants, al-mu'min ou al-kafir. Allah subhanahu wa ta'ala oriente, et dans ce sens-là, il peut guider, dans le sens de l'orientation, le kafir, et il peut lui montrer et lui donner les preuves de la vérité. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est comme, par exemple, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ » En ce qui concerne Thamoud, nous les avons guidés, c'est-à-dire on les a orientés, on leur a montré la vérité et le droit chemin. « فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى » Par contre, ils ont préféré l'aveuglement au-dessus de la guidance. Ils ont préféré l'aveuglement. Ils ont préféré rester aveugle et rester égaré que de suivre la vérité. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit fastahabbu al-ama 'ala al-huda. OK? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il les a guidés, il dit fahadaynahum. C'est-à-dire dans le sens de il les a guidés dans le sens qu'il leur a montré la droiture, il leur a envoyé un messager, il leur a envoyé des signes. Mais ils ont préféré fermer les yeux et faire semblant et suivre l'égarement. Donc le cheikh il dit ay arshadnahum wa hiya aydan am, elle est générale dans ce sens là la guidance d'orientation, elle est générale dans le sens qu'elle s'applique aux croyants et aux non croyants tous, on leur a montré le droit chemin. Et elle est générale également du sens que du sens de la personne qui guide et qui montre le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre également là dedans et celui qui l'ont suivi, c'est à dire que elle peut être faite par toute personne qui comme le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les gens qui ont suivi le messager, comme par exemple tous les musulmans qui font le da'wah ils montrent aux gens le droit chemin. Ils suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait le da'wah, qui appelait les gens au droit chemin. Donc ils guident dans le sens qu'ils orientent l'humanité et les hommes vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le droit chemin. Dans ce sens-là, ils guident, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wa innaka latahdi, c'est-à-dire et certes tu guides vers un droit chemin, c'est-à-dire certes quand tu orientes les gens, tu les orientes vers un droit chemin, tu leur montres un droit chemin. D'accord, dans ce sens-là c'est général, dans le sens que c'est pas uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire, cette orientation-là. C'est également les messagers d'Allah et les gens qui ont suivi les messagers. Le cheikh dit والقسم الثاني هداية التوفيق لقبول الحق وهذه خاصة أيضا من جهتين لا تحصل إلا للمؤمن وهي من خصائص الله سبحانه وتعالى ولهذا أو ولذا نفاها الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Et la deuxième catégorie de guidance, c'est la guidance qui est suivie de succès, qui est suivie de l'acceptation de la vérité. Et donc ça, c'est une guidance, une forme de guidance qui est spécifique de deux points de vue. L'autre, elle était générale de deux points de vue. Celle-là, elle est spécifique de deux points de vue. Premièrement, elle n'arrive qu'aux croyants. C'est uniquement le croyant qui est guidé de façon à ce qu'il accepte la vérité et qu'il suive le droit chemin. Et d'un autre point de vue, elle est spécifique dans le sens que c'est une des spécificités ou des particularités exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement Allah qui peut guider. Pas même le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala peut guider quelqu'un sur le droit chemin, dans le sens qu'il accepte, que cette personne-là accepte la vérité dans son cœur et accepte de le suivre comme il faut. Donc, dans ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala a nié même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait guider celui qu'il aimait. Et par exemple, son oncle Abu Talib, lorsqu'il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu le faire accepter la vérité. Et c'est comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit certes tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Donc il faut faire la distinction entre ces deux formes de guidance, la guidance d'orientation et la guidance d'acceptation et de succès. C'est deux formes d'orientation et deux formes, c'est le même terme est utilisé quand on parle de hidayah, mais c'est deux formes différentes. Wa qawluhu ihdina ya'ammu al-hidayatayn hidayatu ad-dilala wal-irshad wa hidayatu at-tawfiq dullana wa arshidna wa thabbitna wa waffiqna. Donc dans ce verset là lorsqu'on dit à Allah ihdina, guide-nous, eh bien le cheikh il dit que ça inclut et ça englobe les deux formes de guidance, la guidance d'orientation et la guidance d'acceptation et de succès. Donc ça veut dire en réalité montre-nous et oriente-nous et raffermis-nous et donne-nous le succès sur la guidance et sur la vérité. Après on dit as-sirat, ihdina as-sirat al-mustaqim. Le cheikh il dit as-sirat وهو في اللغة الطريق والجادة التي يمشي عليها الناس والحيوانات. Et dans la langue arabe, الطريق, dans la langue arabe, السراط c'est الطريق et الجادة, c'est-à-dire c'est le chemin, la voie. Et c'est la voie ou le chemin sur lequel les hommes et les animaux peuvent marcher. Et le cheikh dit والمراد بالصراط هنا الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وسمي كل من هؤلاء صراطا وطريقا لأنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. Mais par contre, lorsqu'on utilise الصراط dans la religion, ça signifie l'islam, le Coran et le messager صلى الله عليه وسلم. Et on les appelle sirat ou tariq. Pourquoi? Parce que ça nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le cheikh il dit par la suite, pour la parole, quand Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce sirat, ce chemin al-mustaqim, hein, il dit que ça signifie ma'nahu alladhi la'wijaja fihi wa la khafa. Celui qui n'est pas, c'est un chemin qui est droit, c'est-à-dire il n'y a pas de courbe ou de virage ou des tournages, des choses cachées dedans ou des choses de ce genre. Il est droit, hein, mustaqimun wadih, la yadullu man sara alayh, bi khilaf al-turq al-mu'wajja al-mukhtalifa, fa inna man yasiru alayha yadull. ولهذا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc le cheikh il dit que c'est un chemin qui est droit, clair. Celui qui le suit, il ne s'égare pas, contrairement aux autres chemins qui sont qui tournent et qui te ramènent vers d'autres virages et des choses qui t'amènent vers l'égarement. Et il dit que celui qui les suit, ben il s'égare. Celui qui suit ces autres chemins, il s'égare. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, il dit, et voici mon chemin, mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits chemins qui se séparent de ce chemin-là, parce que il va vous diviser et vous éloigner de son chemin. Et voilà ce en quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint, dans le but que vous acquérez la crainte en lui, at-taqwa. Hein? Et le cheikh dit, fasiratullah wahid, l'inqisam fih, c'est un chemin unique, il n'y a pas de division dans ce chemin-là. Wala wijaj, wala khafa, et il n'y a pas non plus de tournure ou de choses tournées ou cachées dedans. أما الصراط المعوج فهذا طريق الضلال والعياذ بالله. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على يمينه وشماله خطوطا كثيرة وقال هذا صراط الله للخط معتدل وقال عن الخطوط الأخرى هذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. Donc le cheikh il dit que les chemins qui sont déviés, mais ces chemins là c'est des chemins de l'égarement, que Allah nous en protège. Et il dit que c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessiné sur le sable une ligne droite et il a récité le verset, voici mon chemin droit, mon droit chemin en toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les autres petits chemins qui s'en détournent. Il a tracé une ligne droite et il a dit que ça c'est le chemin droit, le chemin d'Allah, et il a par la suite fait des petites lignes à gauche et à droite de cette ligne droite, et il en a fait plusieurs, et il a dit voilà le chemin, les autres chemins qui vous égare, et à la tête de chacun de ces chemins-là, il y a un diable qui appelle les gens à le suivre. فقوله تعالى الصراط الذين أنعمت عليهم الصراط طارة يضيه الله لنفسه مثل قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله يضيفه إلى نفسه سبحانه لأنه هو الذي شرعه ودل عليه ووضحه للناس ولأنه الصراط الذي يوصل إلى الله جل وعلا فأضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم ودلالة على أنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit que des fois Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit صراط الذي, il parle de ce chemin là, parfois il l'attribue à ceux qui le suivent, hein, siratul ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux à qui sur qui tu as mis, hein, ta bonté et ta grâce, hein. Tandis que parfois il se l'attribue à lui-même, il l'attribue ce chemin à lui-même en disant sirati, mon chemin. Ou bien parfois il dit siratillah, hein, le chemin d'Allah. Donc, la raison pour laquelle il l'attribue à lui-même, c'est parce que c'est lui qui l'a ordonné et légiféré et qui a montré les gens, qui a orienté les gens vers ce chemin et qui l'a clarifié pour les hommes. Donc, dans ce sens-là, eh ben, c'est son chemin et il se l'attribue. Et c'est un chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il mène à lui. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il se l'attribue à lui-même. Et c'est une forme d'attribution ou d'association qui montre une certaine honneur pour ce chemin-là et pour montrer l'honneur de celui qui va le suivre. C'est-à-dire qui va suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour montrer que ce chemin-là mène vers lui. Et parfois, le shaykh dit, wa taratan yudifuhu ila ahlihi. Kama fi hadhihi al-aya. Siratul ladhina an'amta alayhim. Donc parfois, il l'attribue ou il l'applique à ceux qui le suivent, les gens qui suivent ce chemin, comme dans le verset dans Surat al-Fatiha, le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce. أضافه إلى الذين أنعم عليهم لأنهم هم الذين يسيرون عليه بخلاف أهل الضلال فإنهم يسيرون على طرق ضالة. Contrairement à ceux qui il l'a attribué aux gens qui le suivent, parce que c'est eux qui sont dessus et qui marchent sur ce chemin, contrairement aux gens de l'égarement, parce que eux, ces gens-là, ont suivi un chemin de déviation. Et qui sont ces gens de déviation? Ce sont les gens, par exemple les kuffars, les mushrikines, les gens de bid'ah parmi les musulmans, et yani, donc tous ces gens-là rentrent dans les gens de l'égarement. Et le cheikh dit « الذين أنعمت عليهم حيث هديتهم إلى سلوك هذا الصراط ووفقتهم له وهذه أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى ومن هم الذين أنعم الله عليهم بينهم الله في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Donc le cheikh il dit que ceux sur qui tu as mis ta grâce, dans le sens que tu les as guidés à prendre ce chemin et tu leur as donné le succès de le suivre, et ça c'est une des plus grandes grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu donner à quelqu'un. Et qui sont ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ceux sur qui il a mis sa grâce? Eh bien, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié cela dans le verset 69 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et celui qui obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là sont parmi ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, parmi les siddiqin, les véridiques, parmi les shuhada, les témoins ou les martyrs, et parmi as-salihin, parmi les pieux. Donc le cheikh il dit, فَهَذَا الصِّرَاطِ مَنِ الَّذِي يَسِرُ عَلَيْهِ يَسِرُ عَلَيْهِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَهَذَا الصِّنْفُ هُمْ أَوَّلُ مَنْ يَسِرُ عَلَيْهِ وَالصِّدِّيقِينَ لِأَنَّ الصِّدِّيقِينَ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءُ في سبيل الله بعد مرتبة الصديقين والصالحين وهم سائر المؤمنين. Donc le cheikh il dit que ce chemin, qui marche dessus et qui le suit, eh bien c'est ceux sur qui il a mis sa grâce, et ce sont les messagers, les prophètes, hein, ça c'est la première catégorie de gens qui suivent ce chemin. Ensuite as-siddiqin, parce que as-siddiqin ils sont les meilleurs parmi les hommes après les prophètes, comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Wa-shuhada, hein, ils viennent après le degré des siddiqin. Et par la suite, as-salihin, et ce sont le reste des croyants. Les vertueux, les pieux, ce sont le reste des croyants. فالذين يسيرون على هذا الصراط المستقيم طبقات. أول طبقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصديقين، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون من كل أمة. Donc le cheikh il dit que, donc comme on a dit, il y a le degré des prophètes, c'est eux qui sont en premier. Après il y a le degré des siddiqin, après le degré des shuhada, et après les pieux de toutes les nations, de tous les nations qui ont suivi un prophète. Après le cheikh dit, nasa Allah yaj'alana wa iyyakum nasiru ala hadha as-sirat al-mustaqim fi murafaqati ha'ula wa hasuna ulaika rafiqa والإنسان في هذه الدنيا وهو يسير على طريق المستقيم يجد مضايقات وشدائد وأذى ويحس بغربة بين الناس وربما نال منه بالضرب والتهكم والتهديد والتنقص فإذا تذكر أن رفقاؤه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإنه يطمئن ويصبر على ما يناله في سلوك هذا الصراط. Donc le cheikh il dit que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire ou de nous mettre parmi ceux qui suivent ce droit chemin, et on demande qu'il nous mette parmi la compagnie de ces gens-là. Et c'est pour ça que à la fin du verset dans sourate An-Nisa, le verset 69 qu'on a mentionné, il dit wa hasuna ulaika rafiqa, hein, et cela c'est bon de les prendre comme rufaqa, rafiq. Et rafiq c'est quoi? C'est le compagnon proche, quelqu'un qui est près de toi comme ton ami proche, etc. Donc le cheikh il dit que l'être humain dans cette dunya, lorsqu'il suit ce chemin, hein, dans ce chemin qu'il suit vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver toutes sortes de difficultés, de mal. Les gens vont essayer de le faire se sentir comme il est, comme un étranger parmi les gens. Quelqu'un qui suit la vérité, tout le monde commence à lui faire du mal, ou à commencer à lui parler, ou rejeter, ou se moquer de lui, ou l'insulter, ou même parfois même le frapper et le menacer, et essayer de le rabaisser et de l'insulter, des choses de ce genre. Donc lorsque une personne subit ces traitements-là de la part des êtres humains, des autres parmi les hommes, eh ben il se rappelle qu'il a des compagnons qui le suivent sur ce chemin-là et qui l'ont suivi, et c'est les messagers et les siddiqin, les véridiques, et les shuhada et les salihin. Alors lorsqu'il pense à ça, il se rappelle de ça, eh ben son cœur s'apaise et il s'apaise et il devient plus en paix avec lui-même, et il prend plus de courage et de force et de patience et d'endurance pour qu'est-ce qu'il l'atteint à cause du fait qu'il a choisi de suivre ce chemin-là. Hein? Donc il faut savoir que celui qui va suivre ce chemin-là, il va avoir des épreuves et des difficultés, hein. Et le cheikh dit wassiru ala hadha as-sirat mahfufun bil makarih mahfufun bil shada'id wal mashaq laysa mafrushan bil wurud. Le cheikh dit, celui qui suit ce droit chemin, eh ben il doit savoir qu'il est entouré de difficultés, hein. C'est un chemin qui est rempli de d'épreuves, de difficultés. C'est pas un chemin facile. C'est un chemin étroit, un chemin dur, un chemin long, fatigant. Il y a beaucoup de difficultés dedans. Et il n'est pas rempli de roses, comme le cheikh dit. C'est pas comme un tapis de roses. On ne marche pas sur un tapis de roses. Quand on suit ce chemin, il faut savoir qu'on va avoir des épreuves à subir. وَلِذَا فَلِذَا كَانَ لَابُدَّ لِسُلُوكِهِ مِنْ صَبْرٍ طَوِيلٍ وَعَزْمٍ أَكِيدٍ مما يعينك على سلوكه ويهون عليك شدائده وتذكرك أنك ترافق هؤلاء. لكن هذا يحتاج إلى إيمان وقل من يوفق لذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشيخ يزيك il faut poursuivre ce chemin-là, faire preuve de longue endurance, une endurance et une patience longue, et une fermeté, hein, certaine. Et il faut poursuivre ce chemin-là, il faut que tu cherches le support et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que tu aies ses compagnons, hein, c'est-à-dire ceux dont on a parlé tout à l'heure parmi les gens qui ont suivi ce chemin avec nous, eh ben le fait qu'on les, qu'on ait ces gens-là avec nous, eh ben ça nous facilite la tâche, ça diminue les difficultés lorsqu'on se rappelle qu'ils sont là avec nous. Et le cheikh il dit par contre également, il faut de la foi, hein, et peu de gens réussissent à avoir ce succès. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Fussilat, et ce privilège, c'est seulement ceux qui ont la patience qui peuvent l'acquérir, et c'est uniquement ceux qui ont reçu une énorme grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui reçoivent ce privilège. فَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Donc les gens qui, sur qui Allah a mis sa grâce, ce sont qui? Ce sont les gens qui ont la bonne connaissance qui est bénéfique et les bonnes œuvres. Parmi les prophètes, les siddiqin, les véridiques, les shuhada et les salihin. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, et inshallah la semaine prochaine, on va commencer à, au point où on a arrêté maintenant, inshallah, parce que là on rentre dans l'explication de غير المغضوب عليهم. Et si on veut vraiment y donner le temps qu'il mérite, eh bien c'est préférable d'attendre à la semaine prochaine, inshallah, pour rentrer dans les détails de cette question, parce que c'est très intéressant et c'est très important. Donc le même salon la semaine prochaine, inshallah, et c'est à 16h30 pour les gens qui sont en France, et ici ben à Montréal c'est 10h30. Donc moi je me prépare inshallah pour aller faire le Jumu'ah. Donc subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Naam. Donc barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa zadakumullahu hirsan wa zadakumullahu ilman wa hudan wa tawfiqa. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.